La deuxième règle est qu'ils disent. L'auteur, rahimahullah, rahmatan wasi'a, vise par cette parole les polythéistes dont il nous a parlé dans la première règle. Et lorsqu'il nous dit, nous ne les invoquons et ne nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession, ici l'auteur, rahimahullah, il nous mentionne la cause pour laquelle les polythéistes de Quraysh ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit qu'ils ont adoré les pieux, les anges et autres, car ils voulaient être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour que ceux qu'ils adorent intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc par cela pris des intermédiaires. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement, ils ont préféré prendre des intermédiaires qu'ils adorent en dehors d'Allah pour le rapprochement et l'intercession. Et la question qu'on peut se poser, ikhwani fillah, est pourquoi n'ont-ils pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala directement? Et la réponse à cette question est qu'ils avaient une ambiguïté. Selon eux, ils étaient faibles et ils faisaient beaucoup de péchés et ils n'avaient pas un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les pieux, les anges, les prophètes et autres, ils ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Et s'ils demandent quelque chose à Allah, Allah va forcément leur donner cette chose. C'est ainsi que pour eux, il fallait obligatoirement leur vouer l'adoration pour qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il fallait les invoquer et leur demander ce dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent demander cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette ambiguïté qui les a poussés à cela, c'est-à-dire à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et à prendre des intermédiaires. Et cette ambiguïté est encore répandue à notre époque. C'est pour cela que tu trouves que certaines personnes n'ont aucun mal à invoquer les pieux et les prophètes. Et il y a dans cette ambiguïté de nombreux méfaits. Tout d'abord, il y a le fait qu'elles mènent au shirk et aussi le fait qu'ils ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à un roi de ce bas monde. Car comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui peut s'adresser au roi n'importe comment. Il faut plutôt prendre un intermédiaire, quelqu'un qui est proche du roi, pour qu'il puisse faire parvenir la demande. Et sans cet intermédiaire, il est presque impossible de lui demander quelque chose. Et les polythéistes pensaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était semblable. Et ceci est un égarement évident, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et voit tout. Ensuite, l'auteur, il nous mentionne une preuve pour appuyer ses dires et il dit, la preuve concernant le rapprochement est la parole d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux Sur ce en quoi ils divergent, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Ce verset, ikhwani fillah, est très important, car il s'y trouve une règle importante. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les polythéistes pour avoir pris des intermédiaires et pour les avoir adorés en dehors de lui, malgré que leur but est noble, car ils voulaient par cela le rapprochement et vouloir le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala est une bonne chose et c'est l'objectif des gens de bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des vertueux: Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ce verset nous indique que le rapprochement est un but qui est noble. Mais malgré ce but, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et les a jugés mécréants. Et les savants de la sunna ont tiré de cela une règle importante qui est al-rayat la tubarriru al-wasa'il. La fin ne justifie pas les moyens. C'est-à-dire que lorsque tu as un but, tu dois obligatoirement utiliser des moyens légiférés pour l'atteindre. Et ceci est une règle salafiyya qui est tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que chez la plupart des gens de l'innovation, c'est le contraire. Chez eux, la règle et la fin justifient les moyens. C'est-à-dire que selon eux, si tu as un bon but, un bon objectif, tu peux utiliser n'importe quel moyen pour y arriver. Même si tu utilises des moyens qui sont interdits, ce n'est pas grave. Tant que tu as un bon but. Et nous allons mentionner plusieurs exemples pour y voir un peu plus clair. Prenons l'exemple de la secte des frères musulmans. L'un de leurs objectifs est d'appeler les gens à l'islam, que le maximum de mécréants vivant en terre de mécréance se convertit à l'islam. Et il n'y a pas de doute, ikhwani fillah, que ce but est noble. Mais pour arriver à leur but, ils vont utiliser des moyens interdits, tels que la mixité par exemple. Et nous avons une bonne illustration de cela dans ce qu'on appelle le salon du Bourget. Pour ceux qui ne connaissent pas le salon du Bourget, en vérité, c'est un salon qu'ils font une fois dans l'année. Les frères musulmans louent un grand salon pendant plusieurs jours. Ils font des conférences et récitent le Coran. Les hommes et les femmes sont mélangés, malgré que la mixité soit interdite. Leur but à la base est bon, mais lorsqu'ils ont utilisé des moyens interdits pour y arriver, nous pouvons juger que leur action est caduque. Nous pouvons aussi citer comme exemple la secte qu'on appelle Jama'atut Tablir. Leur but principal est de transmettre la religion, d'où le nom de leur secte, Tablir, qui vient du verbe ballara, qui veut dire transmettre. Et donc, ce but-là est noble. Ce but-là est certes noble, surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu: Balliru anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Malgré que leur but est louable, nous jugeons que leur prêche est caduque, car ils ont innové dans la manière de prêcher, tout comme ils n'ont pas respecté l'une des conditions les plus importantes concernant le prêche, qui est la science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de cette condition dans Surat Yusuf, « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ » Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Et l'imam al-Shawkani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous dit dans le tafsir de ce verset que la clairvoyance est la science qui permet de distinguer le vrai du faux. Même certains groupuscules qui vont commettre des crimes peuvent peut-être avoir un objectif de base louable que nous retrouvons dans le Coran et la Sunna. Prenons par exemple la secte qu'on appelle Al-Khawarij. L'un de leurs buts principaux est que les pays musulmans jugent par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet objectif, nous le retrouvons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 de Surat Yusuf, « Inil hukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi dans le verset 50 de Surat Al-Ma'ida, « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » Qui est meilleur juge qu'Allah pour des gens qui croient avec certitude. Malgré que leur objectif, qui est le fait de juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, est bon, pour arriver à celui-ci, ils utilisent des moyens interdits, tels que sortir contre le gouverneur, le meurtre, et j'en passe. Et donc il convient aux musulmans de connaître cette règle immense, Al-Rayat, la tubarriru al-wasa'il. La fin ne justifie pas les moyens. Mais c'est dommage, ikhwani fillah, que beaucoup de personnes, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, connaissent cette règle, mais finissent par la contredire, notamment en ce qui concerne les enfants. Car certains de nos frères et sœurs en France n'hésitent pas à mettre leurs enfants dans des écoles publiques. Ces écoles, ikhwan fillah, où la perversion est enseignée à nos enfants, ces écoles où nos enfants doivent cacher leur islam, ces écoles où sont enseignées des choses en contradiction avec les fondements de notre religion, ces écoles où la mécréance est banalisée. Et lorsque tu demandes à ses frères et à ses sœurs, pourquoi mets-tu tes enfants dans ces écoles? Ils te diront en règle générale, car il faut que mon enfant s'instruise et qu'il ait aussi des diplômes. Et nous répondons à cet argument. Cet objectif et ce but est certes bon, mais pour y arriver, tu es dans l'obligation d'utiliser des moyens légiférés, alors qu'ici tu as utilisé des moyens interdits, et la fin ne justifie pas les moyens. Si tu acceptes cette règle et crois en sa légitimité, tu te dois de l'appliquer dans chaque domaine, que ce soit dans la croyance, les adorations et même l'éducation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.